Oui, ça qui est important pour nous, nous-mêmes, c'est arriver à détecter tout le monde qui a participé dans le massacre ça, et puis faire nous jouer une justice. C'est ça demandé. Bon, moi je dis encore, c'est dans la réalité à lui. Le plus souvent, nous avons toujours dit, nous ne pas bataille pour l'argent. Et si nous avons bataille pour l'argent, depuis tant de dates, nous contre carré ensemble avec l'armée d'Haïti, dans Gonaïve, ça veut dire que nous offrons nous, nous gros corps pour nous, si nous avons viré quand. Mais nous-mêmes, nous connaissons, nous levons nos quartiers révolutionnaires. Vous comprenez? L'argent n'a pas fait nos paix. Le corps n'a pas fait nos saisies, même du tout. Nous aimons Aristide. Nous n'avons que lutter pour Aristide. Quel que soit nos tapes, oui, ça ne dit pas rien. Nous levons, nous jouons la mort. Vous comprenez? Mais c'est comme ça tout. Moi-même, question pour me demander à gouvernement, est-ce que nous avons lutté, c'est pour M. Makoutio, c'est pour Michel François, c'est grâce, bien, bien, nous avons lutté, ou bien, si c'est pour M. Sao, nous avons lutté, pour dire oui, c'est pour eux-mêmes, nous avons lutté. Je crois, si nous avons lutté, c'est pour Aristide, nous avons lutté, il faut qu'on ait un monde qui vienne dire nous, mais tel, qui a tel bagaille, qui a tel bagaille passé, comment tel bagaille passé, qui ça nous fait, qui ça nous pas fait, vous comprenez? Alors, moi, bon, ici, hein, son seul bagaille qui est ouvert. Nous là pour nous toujours compter la mort, c'est ça simplement, pour nous toujours compter la mort. Mais nous pas là pour la changer, pour nous un monde qui bouche à parler ensemble avec nous. Qu'est-ce que vous dites pendant un moment d'interview, il y a quelques noms qui ont été là qui ont déjà étonné nous. Par exemple, il y a Jean Tatoun, il qui participait en pile dans le déchoucage de Jacques-Claude Duvalier. Et je ne dis pas, M. Tadoué avec nous. Et dans l'événement ça, M. Tenan Kaneg qui vient participer dans le massacre, dans le canet qui t'a montré militaire qui côté pour cercler nous, pour prendre plus facile. Qui, d'après nous, qui ça qui explique ça? Bon, en 1985, Jean Tatoun, c'est un monde dans l'événement en 1985 pour vous et Jean-Claude Dallé. Jean Tatoun, c'est nous-mêmes qui t'es serré, Jean Tatoun, bon, ici. Hein. Puisque nous sommes dans la bataille là, mais nous pas au fond, genre nous au fond là. Nous, quoi, c'est nous-mêmes qui t'es metté et serré. Jean Tatoun, pas de casseur qui l'est. Nous n'est que bal manger là, bal fi, et puis bal cabani, li à l'aise. Mais pendant la lutte là, Jean Tatoun, c'est un nèg qui était en viré quand, depuis vieille date, il était en viré quand longtemps. Jean Tatoun vient trahir nous, il trahit lutte peuple là, depuis bien longtemps. Mais Jean Tatoun, li rêve lui, c'est pour yo détruire nous. C'est Jean Tatoun qui baille tout secret nous, bon ici. C'est lui-même qui baille tout côté que nous connaissons. Lui baille toute zone que nous connaissons cachée. C'est lui-même qui fait tout. Toute fille, bon ici, yo, grand monde, petit monde, qui prend chaplette, c'est Jean Tatoun qui fait qu'il prend chaplette. Et tout le monde qui mourit, tout, c'est Jean Tatoun qui cause monde ça mourir. Parce que, premièrement, Jean Tatoun, c'est un homme qui dit, pour reprendre nous, il faut commencer à battre femme bo ici. Quand on bat femme bo ici, il apprend nous. Ceci est tellement vrai, il commence à battre mesdames. Depuis ces monde, grand monde, jeune, convieux, ou en bas chapelette. Vous comprenez? Bon, pour massacre qui fait là, c'est Jean Tatoun aussi qui allait, qui prend militaire, qui baille, qui fait au connecté. À chaque fois, il dérape derrière nous, c'est l'emmène nous prend. Vous comprenez? Pour être capable de prendre nous, il faut sécher l'emmène. Il suffit qu'il finisse de sécher l'emmène. Il a mis des militaires dans la mer, militaires à terre a tiré, la mer a répondu, nous-mêmes, nous connaissons qu'il faut nous prendre la mer quand même. Depuis que nous prenons la mer, il y a pété nous quand même. Ceci est tellement vrai, nous avons fait action en comme ça, et puis nous-mêmes, nous prenons la mer, et puis ça dans le monde à nous. Si tout le monde qui mourit, la mer tire, moi-même, moi dis que c'est Jean Tatoun qui plus tire le monde. Je dis à Aubin, le gouvernement mettait ça en commission de justice, commission de vérité de préférence. Est-ce que le problème qui soit posé là, on va pas poser le niveau commission ça? Bon, ça qui est ou dit, là, nous sommes capables de poser. Mais nous avons qui fait tête non mal. Puisque nous avons lutté pour un leader, vous comprenez, lui retourner, nous n'avons qu'à accepter. Quand on a parlé de justice, il n'y a pas de réconciliation avant justice. Nous supposons que la justice doit venir avant. Parce que si tout massacre ça a fait, nombre de monde qui mourit à travers le pays, hein, pour autant de qui ça qui vient paraître, ce n'est pas une justice qui paraît, c'est une réconciliation qui paraît, mais ça a été gravé dans la mémoire de tout le monde. Ça fait nous mal en pile, mais puisque nous sommes chefs d'État, nous sommes chefs d'État, nous sommes obligés, nous accepter la réconciliation. Hein, mais justice là, c'est lui-même qui votait avant. Pendant justice, il y a après, jusqu'à présent, machine justice a beaucoup en action. Et n'a demandé qui est là en action, vous comprenez? Bon, nous avons un nègre là, qui est chef frappe là, a fait justice pas en action, il s'est obligé de mettre le col dehors. Kassra lui-même, qui a circulé Port-au-Prince, libé, gros homme, li libre. Timo li libre, Caritan tout libre, Amazon li libre, Walne yo libre, Mena yo libre, et Anatan yo libre, vous comprenez? Tout cela, tout le monde libre net et justice et après et réconciliation. Jusqu'à présent, pour qu'on ait justice. Ça veut dire que pape Jean gagne justice même. Moun sa yo, y a toujours libre. Est-ce que nous-mêmes qui victimes dans l'état, nos victimes non? Vous comprenez? Nos victimes dans l'état, nos victimes. Nan. Premièrement, nous dormons enragés, nous dormons. Pour nous survivre, nous entrons dans la terre, dans la matière fécale. Nous avons un saisissement, ici tellement saisi, il entre dans la terre, la proie, la terre a tombé sous tête. Non. Vous comprenez? Tout ça n'a plus été pour un chef d'État, parce que nous remènent. Vous comprenez? Mais jusqu'à présent, pour qu'on ait justice qui a fait là. Est-ce que nous-mêmes qui victimes dans l'état, que nous victimes, non? Moi-même, surtout qui prend balle beaucoup, est-ce que m'a prêté tout le temps, n'a prêté garder, moun sa yo qui fait nous tout bagage sa yo, yo libre. Est-ce qu'on l'est, nous pas passer à l'action? Bah, ça yo toujours dans la tête, nous. Vous comprenez? Parce que pour pas dans la tête, nous, faut machine justice en action. Si machine justice pas en action, on l'est, n'a pas passé à l'action quand même, parce que nous ne pouvons pas arrêter, bois croisé. Moun sa yo fin fait tout bagage, yo fin fait la pluie et le beau temps, et puis yo même pour y circuler, nous-mêmes, nous allons 3 ans, nous pas de café, ça y a fait. Même près de tête, nous pas de café, nous pas arrêter dans la rue. Oh, aujourd'hui, yo même, yo libre. Vous comprenez? Yo libre, yo fait ça, vous voulez, yo tout partout. Et puis, justice après réconciliation. Et Robin, ou même ou pas croire et dans réconciliation avant justice ou quoi d'abord dans justice avant réconciliation. Mais nous parlons de ça dans comité de commission de vérité gagné. Est-ce que Boys là dans Raboto, il y a des délégations faites pour aller se rencontrer avec la commission ça pour nous poser problème qu'on a posé aujourd'hui là. Bon, comité comité pour nous être capable de former pour le rencontrer ensemble avec Jean de Mounsao. Premièrement, moi-même, ça m'a demandé qui est-ce, côté qui est-ce nous pralé. Côté qui moun nous pralé, nous pas contre côté qui moun nous pralé, non. Nous pas contre moun qui dit comme ça. Nous pas contre bon, pas contre bagay ici. Premièrement, m'en tente et délégué qui a fait un bagay ici, pas qu'un bagay ça ou ici. Vous comprenez? Non, pas un bagay ça ou ici. Qui moun qui pral faire? Côté qui moun nous pralé? Côté qui moun nous pralé? Qui moun, côté qui moun nous pralé pour pral mener et faire on enquête? Fait ceci, fait cela. Côté qui m'en a parlé. Non, par contre, côté qui m'en a parlé, non. Non, par contre, côté qui m'en a parlé. Parce que si tu as un bagage sérieux que tu as fait, nous quoi? Aristide, 4 mois depuis Vini, Negio, il a occupé le gouvernement Aristide, a occupé intérêt personnel. C'est intérêt personnel, ça, le ministre ceci, ça, le ministre cela. Ça, c'est conseiller Aristide, ça, li tel bagaille Aristide, ça veut dire que c'est moun sa yo qui a mis le pays dans le compromis que journée aujourd'hui. Alors, nous avons battu pour nous, si nous avons lutté pour nous sortir la donne, or jusqu'à présent, nous ne pouvons pas sortir la donne du tout. Est-ce que ça t'a dit, Robin, que laisser la tomber parce que vous avez une justice pour vous dire? Bon, je ne peux pas laisser la tomber. Jusqu'à présent, nous avons une bataille pire toujours. Nous avons une bataille pire toujours. Parce que si nous disons n'a pas quitté l'île la tomber, demain si Dieu veut, si nous prenons pouvoir encore, moi-même qui parle à vol là, moi-même Robin, Dieu dit gentil. Et non le prophète, nous devons mettre fouillé tout, nous enterrer tête, parce que nous avons perdu la vie nous quand même. Ça fait nous là toujours, c'est parce que nous sous pouvoir, nous, vous comprenez, Mabdou ça, nous sous pouvoir, nous, qui cause nous camper là. Mais quand nous prenons pouvoir, nous devons mettre dit, nous devons mettre tout tuer tête, non, parce que nous mourir quand même. Bon, et une bagaille qui t'a intéressé nous, est-ce que le jour 22 avril, ça, nous t'es arrivé à dénombrer la quantité militaire qui t'est venue pour mener l'action ça? Est-ce que nous t'es arrivé à contrôler la quantité militaire qui est là? Ou bien est-ce que c'est militaire qu'on a eu seulement qui t'a participé dans le massacre? Bon, moi c'est Dieu juste, gentil, qui prend la parole. Non, le peuple haïtien. Donc, moi-même, pas de souterrain, joue ça, joue massacre là. C'est-à-dire que moi, j'étais dehors. Moi, j'étais, comment dirais-je même, dauphine dans le pays papa. Après, il y a un massacre qui était fait par coup de bâton, jour lundi 18 avant 22 à fait. Bon, d'après les gens qui étaient souterrain, qui étaient à vue bagaille, il y a des militaires qui étaient sortis Saint-Marc, qui était sorti au Cap, qui était sorti Grenadine, qui était fait une coalition pour voir si était capable de 20 groupes ça. Mais il n'est pas arrivé qu'avec nous. Parce que nous avons un bon Dieu qu'avec nous, et nous avons une double force tout. Et nous avons ça nous avons fait. Parce que, y a mis des plans sous pied, nous-mêmes, nous avons mis contre les plans. Parce que nous-mêmes, ça nous a fait à nous connaître. Donc, là, nous avons fait massacre ça, jour vendredi. Hein. Donc, c'est après, ils ont l'argent, Michel François a été voyé, ils ont famine, ils nous offrir nous. Donc, nous avons shooté l'élément là à coup de pied. Nous avons dit nous-mêmes, nous n'avons pas quitté l'argent, faire nous changer quand. Et nous avons bataille, nous n'avons pas bataille pour l'argent. Nous n'avons pas bataille pour nous avoir fait notre job, pour ne pas dire pour le job de notre bataille. Et nous avons bataille pour retour Aristide. Et c'est Aristide qui a voté 16 décembre 1990. Donc, après nous avons shooté l'élément ça à coup de pied, eh bien, Michel François, tiré les gros hommes, il te relé Castra, il te dit, Jean-Nia, prends mes chiots. Mort, côté au Bali. Et bien, nous avons gagné de bonnes sources. De ça que tu n'as pas fait là. Donc, nous venons recevoir la nouvelle là, deux jours avant le massacre là. Mais nous n'avons pas de gens, ouais, si son bail comme ça, tu es capable de faire. Eh bien, c'est à la fin de nous, nous n'avons pas de finale, tout le monde dans la zone là, pour être capable de faire la zone là. Eh bien, militaire, il y a 5 zones non, à 2h du matin. Dans 2h du matin, ça, il a fini d'occuper les zones. Il a bien équipé les puits, qu'on y a tombé battre la caille, craser la caille, son façon, tout le monde a sauté au Mao. Et puis, il y a une équipe qui sous l'eau. L'équipe, ça, c'est Jean Tatoun, Jolissi, avec l'autre nègre que je vais identifier. Donc, c'est nègre ça, qui a marré les sous l'eau, qui a coulé les mettre bloc dans le couillot. Couler moun yo tout vivant. Et nous avons une équipe moun qui t'a sauté en souge, BDN, qui t'a vu vendre ici, tout le monde a perdu la vie. Peut-être yon seul bagaille pour étoile ici que nous avons bataille. Journée jodia, nous jouons ça, nous besoin. Donc, Aristide pourquoi même voyer en commission pour venir parler avec nous. Nous-mêmes, nous m'a dit comment nous avons bataille. Pour qui ça nous a boumé? Est-ce que nous pas de ça nous a besoin? Oui, nous avons ça nous a besoin. Nous te compte qui ça nous a défendre. Eh bien, journée aujourd'hui, lutte la passe en bas pied. Moi-même, poser cette question, si je suis mort, comment tu as plagué petit moi? Bon, quand ça est là, je suis arrêté. Et je vois là, c'est comme ça. Je fais, je me tout à fait net. Mais je ne connais pas reconnaissance. Eh bien, demandez, est-ce que demain, est-ce que ma profité, ben, vim encore? Est-ce que le gouvernement lui offre pour me battre toujours? Et moi-même, ça m'a gardé, pays à beaucoup clair. Parce que nous avons force là, quand nous, les calés vont matin à midi, là, faire route lui. Maintenant qu'il a plagué nous. Qui compte force à plagué nous? Parce que, moi-même, je dois dire, c'est moi-même qui viens d'exploiter pour la faire autre lit. Mais il n'y a pas de bonne sécurité, vrai. Et s'il y a une bonne sécurité, il y a des hommes qui partent souterrain toujours. Il y a des hommes, ce n'est pas moi qui tape garder dans les yeux. Parce que lutte là, il passe en bas pied, vraiment. Parce que si je fais 3 ans, je vais circuler, ma coute tape circuler, monsieur qui tape chercher mieux, bonjour, je dis à ma circuler, à ce qu'il avait. Mais pour qui ça me tape bataille? Est-ce que vraiment... Ça veut dire que vous sentez tout le monde vrai que la vie n'est pas en sécurité? Jusqu'à présent, la vie n'est pas en sécurité. Simplement, c'est tête moi qui fait travail pour me connaître, les m'a sorti, comment pour me faire pour me sortir. C'est toujours une stratégie m'a mettre sous pied parce que vie m'en danger. Même colonne nèg ça yo, yo toujours menacé jusqu'à présent. Yo dit que m'poko fin à l'aise parce que quand pe nan figim yo dit ça. Mais comme le président te dit pas de violence, je suis dans une ligne, une trace, le président te dit, je ne veux pas faire violence. Parce que je ne veux pas pour gratter des chouquettes tomber sous le dôme. Eh bien, est-ce que je ne veux pas jouer une justice moi? Parce que moi-même, je croise avec Amazon Port-au-Prince, même si je suis à Amazon, même pas bien suffisamment force pour me faire Amazon. Castram, Gwaza, Castra, Port-au-Prince, tout monsieur Caritan. Mais est-ce que bataille moyen, c'est ça le demander? Regardez, désarmement pour vous faites dans le rabotou, et peut-être ça ou même ou bien problème. Est-ce que vous pensez ou même, bon côté par bataille, mettez stratégie de yon pour qui genre, dans qui façon nous même nous trapper justice la marché, c'est dans le naïf. Bon, je suis content de so dire. Mon sortir là, il faut que son message pour qu'il t'a passé directement au niveau du gouvernement. Et s'il t'a dit, monsieur, désarmer ma côte. Dans 5 minutes, n'a désarmé tout le monde net. Parce que nous connaissons qui n'est qui gagne zam. Parce que blanc lui-même, loi dit l'intel gagne zam, il parle avec intel, intel dit le pari bail conseil fouiller caille et puis blanc viré dol. C'est-à-dire que pas gagne désarmement qui fait. Mais nous-mêmes avec force pas nous. Nous avons désarmé tout le monde net dans 5 minutes. Nous avons besoin de journée. Nous avons désarmé tout le monde. Parce que nous sentons que nous sommes capables et nous comptons les gens qui ont. Ça veut dire que si le gouvernement n'a pas de possibilité pour le faire des désarmement, les gens doivent publiquement, officiellement, dire que nous remettons la question des armements. Mais nous, nous avons fait sans ne pas tuer le monde. Oui, oui, nous sommes capables. Nous sommes capables de tuer le monde et nous avons désarmé tout le monde net qui ont. Et nous connaissons. Mais à partir de ce moment-là, l'autre pour une initiative concerne nous-mêmes dans Rabotou. Est-ce que nous ne pensons pas que nous avons un problème avec force multinationale qui est sous place et ici dans Rabotou? Mais voilà, nous avons tout ça, c'est ça que fait. Nous n'avons pas fait déjà. Parce que moi-même, je prends force là déjà, mal écaillé plusieurs monde. Les rivés, je pose une question, est-ce que vous avez vrai? Je dis non. Je check la caille soit disant dans des appareils, je ne parviens à rien. Mais ça m'a même venu censé honte dans le mouvement ça. Et Blanc te dit que si je ne parle pas de bagaille, pas d'il devant une scène publique encore, moi même venu censé honte. Même si je ne connais pas tel Genzam, je connais mon pas quitter la caille, je ne pas quitter l'amène, même si je suis les Blancs le Genzam. Mais Blanc pas besoin de Genzam, non. Moi, c'est laver mes si à terre. Je n'ai pas même besoin de continuer à faire. Mais si le président a dit désarmer ma côte, je vais désarmer. À partir de là, est-ce que vous croyez que. Immédiatement que force a allé, nous même bon ici à nous périr. Et ça veut dire. Bon, depuis force a allé, nous mettons tout fouillé, tout mettre tête. Parce que nous mourir, nous tout net. Parce que Makout là lui-même, il connaît. Et spécialement nous sept là qui t'as battu là. Excusez-moi, je ne pas dit nous sept. Donc c'est nous qui avons la tête du mouvement. Parce que sept monde pas jeter un gouvernement ni pas de retourner à Aristide. Et nous sept ça, c'est nous-mêmes qui étions tête mouvement dans Gonaïve. Donc depuis. Pour s'attaler, nous sept ça, nous tout périnettes. Si comme il y a quatre qui partent, donc nous trois sacrétés, nous tout périnettes. Parce que depuis pour s'attaler, au moins, faut même te mettre nous à sous-îler après le prendre. Est-ce que vous rappelez encore raison massacre? Bon, massacre, c'est parce que c'est nous sept là qui t'a lutté, qui prend responsabilité. Lutte là, ici dans ville Gonaïve, et pas Raboto, dans ville Gonaïve. Parce que les nous prenons responsabilité nous. Après, les quatre voyants garçons qui sont tombés en babal militaire dans le poste Raboto, nous avons dit non, nous ne pouvons pas quitter lutte là. Parce que quatre garçons voyants, il faut que nous continuions lutte là pour nous joindre une solution que nous avons cherché. Mais la solution que nous avons cherché, mais nous jouons. Mais qui n'est pas clair pour nous. Bon. Donc, et c'est là qui est arrivé, fait massacre ça, journée jeudi, qui permet plus de 103 personnes qui mourent. Jusqu'à présent, le gouvernement pas même voyé une autorité dans le gouvernement qui vient parler avec Mounsao. Nous demandons au gouvernement, est-ce que Colonel Mounsao mourir? Est-ce que son équipe chien qui mourit? Est-ce que c'est pour compter cadavre notre bataille seulement? Parce que nous pas croire, le président Aristide gagne 4 mois sous terrain là pour le pata venir côté nous. Même le temps, le pata gagne sécurité pour le venir, mais le temps avant une commission enquête pour venir mener une enquête de victimes. Parce que il y a des gens jusqu'à présent, pourquoi qu'à réparer Kayo? Il y a des gens qui ont fait du commerce, ils ont volé tout le corps. Ils ne savent pas, massacre seulement ils ont fait. Ils ont volé. Il y a des gens qui perdent du frigidaire, qui perdent la radio, qui perdent tout effet qu'ils ont possédé la caillou. Il y a des gens qui ont même perdu des souliers. Depuis qu'ils n'ont pas pris un bel tennis, un bel soulier, là, 40 ans, ils prennent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas venu pour massacre. Ils viennent pour voler tout. Le ou pas, je viens mettre ma organique, je ne dis pas si ça fait fréquent, je viens mettre ma organique crasé. Ça, je ne vais pas y un cabre, je vais y une machine bien avec, je crasé. Je crasé frigide là dans toute la rue. Mais ouais, pas massacre seulement, je devine faire. Je vais être un problème politique seulement. Ne voler ou t'as volé. Soit disant Dieu, c'est nous-mêmes qui avons cherché. Mais c'est voler ou t'as volé. Moi-même, personnel, c'est dans le cas de l'été. Bon, madame, moi, perdu l'argent que moi-même, je vais évaluer. C'est là les commerces qui t'a fait. Donc moi-même, je vais citer 3 gouttes, citer 200 gouttes, citer 2 gouttes, je vais dire. Alors, jusqu'à ce moment-là, nous n'avons pas qu'à évaluer quand c'est le monde qui mourit, parce que ce n'est pas le monde et Raboto seulement qui était mourit, mais il y a le monde qui t'a sous l'homme et tout, après une activité commerciale qui mourit tout. Oui, oui. Alors, nous avons le monde qui était sorti en Souj, BDN, Bombad, et il y a l'autre monde qui t'a pêché, fait la pêche, tout le monde a perdu la vie. Parce qu'il a dit, et il faut que c'est sous la mer pour rejoindre nous. Parce que à même fois que vous venez de nous, c'est sous la mer d'aller. Mais il a fait ce cas-là sous la mer. Mais innocent pour coupable. Mm-hmm. Mais vous parlez de 4 garçons tombés dans le poste Raboto. Et ce que vous rappelez, nous, date ça et qui non Mounzaïo, qui ça est devenu aujourd'hui. Famille Mounzaïo. Bon, date ça, c'est 2 octobre. Après, le président Tefin prend un coup d'État 30 septembre. Et bien 2 octobre, nous avons toujours qu'il y a des manifestations dures. Parce que nous avons demandé pour retour au président rapide. Donc, l'un a franchi à manifester sans violence, ça. Eh bien, tu as 4 caporales dans le poste. Nous avons chita, mais à genoux, c'est ça oublié parfait. Donc, ça qui fait pas de plus de monde qui est mort, c'est bal, monsieur, qui est fini. Eh bien, 4 messieurs, ça, nous avons Elicien et Dazmé, nous avons Jean-Pierre Dazmé. Franz Moïse et Fred Chériska. Mais qui est la famille Mounsao devenue aujourd'hui? Eh bien, jusqu'à présent, parents victimes, ils n'ont pas recevoir rien. Même en doléance, ils n'ont pas recevoir au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que Mounsao ne doit pas jamais suspendre pour les dans les yeux. Parce qu'ils n'ont pas pour qui raison petit ils ont mouru. Si le président n'a pas retourné, ok, nous n'avons pas de problème. Et nous-mêmes, nous avons devoir pour nous faire 7 dans Maron. Eh bien, je vous dis à président Vini, parents toutes victimes, c'est toujours de l'enjeu. Parce qu'ils ont dit que petit ont mouru, mais ils n'ont pas joué une récompense. Mm-hmm. Bon, monsieur, vous avez cherché, militaire qui ont sous liste, 7 nègres que vous avez cherché. 4 déjà à l'étranger, ils ont pris exil. Nous-mêmes, nous étions 3, nous étions nous 3. Et c'est nous tous les 3 ça qui est unis devant la juge aujourd'hui. Nous avons demandé nous chaque séparément. Qui ça nous voulait justement pour nous satisfaire, ça que tu as pour faire pour nous satisfaire après le massacre sacré. Bon, je suis bien content de la question que ça pose. D'ailleurs, je me bataille pour l'argent, comme mon frère Robin te dit. Je me bataille pour dégoûter, même je me bataille pour changement. Je me bataille pour la vie meilleure. Parce que je suis petit, je suis combien de monde qui est l'école. Mais je bataille d'une façon. Pour moi économique, moi peut-être capable de changer. Eh bien, je vous dis à président Vini, je ne pas demander pour le président Taban mon job que qui trop dépassé. Mais ça, comme je vous parle de conscience, ça on a fait c'est balil. Deuxièmement, je me perdu tout effet moi, à tout l'autre confrère moi, je me demande pour le gouvernement récupérer mieux. Et d'ailleurs, je m'a plongé. Caille voisinage jusqu'à présent. Je n'ai pas d'opportunité pour me payer un caille. Pour me faire ferme. Jusqu'à présent, c'est un allongement mieux. Caille voisinage, toujours dans la boto. Donc, je n'ai pas aimé pour le gouvernement pencher sur le cas. Même nous n'avons pas de joindre l'asile pour notre parti, mais le président est capable d'aider nous. Donc, nous avons un allongement pour nous capables de longer avec petite nous. Ben nos moyens de vivre, on prend ben nos moyens de vivre pour nous satisfaire de lutte que nous avons menée. Donc c'est ça nos mains de gouvernement. Est-ce que vous avez rappelé le nom? Bon, moi c'est Dieu, je suis gentil. Et vous me posez la même question. Anto. Bon, moi-même, je dois dire, ça ne fait pas me décourager parce que c'est un combattant mieux. Son gros combattant, je ne vais pas me décourager parce que je crois demain si Dieu veut jouer bagaille gâtée, même si je ne pas trouver rien, je vais toujours prendre en avant pour me prendre tête devant. même j'aime des comptes faire, m'pas j'aime relâcher même parce que moi mes pays m'ta remè pour pays me changer. Mais ça que t'ai fait mal Aristide autant que président, l'hypothé on négligent tout. Les négligents en pile parce que ça fait nous les négligents si pendant le devinian quoi Aristide faut qu'on ait tout pays et toute zone tout pays qui a bataille pour lui comprendre faut le tagon mot comprendre faut le tagon mot faut un monde t'a dit nous mettez le bagage tel bagage tel bagage tel bagage tel bagage nous pas joindre ça moi même ça qui m'a dit devise moi tout ça m'a pour m'a dit dans cœur comme si c'est pour Aristide ta devant dans la si ta là en face monsieur pour m'a dit yo comprendre c'est moi même c'est devise moi ça pour m'ta relater tout ça m'a pour me dire ensemble avec Aristide ou même sont avlé bon bien entendu nous même nous ta bataille c'est pour population pour peuple haïtien nous ta bataille mais nous pas trop cob nous ta bataille pour un changement et vraiment vous nous dit nous un changement mais nous pas satisfait de changement. Pour ça, parce que nous, c'est presque même pas ailleurs, parce que ma couture toujours ce qu'il est, sous terrain, hein? Et vie nous pas nous manger. Et nous allons comment nous allons faire pour nous épargner vie nous. Bien entendu, nous-mêmes, nous souterrains là, bon, tout bagaille là qui nous crase, bon, nous allons comment nous allons faire pour nous réparer. Mais c'est le bagaille demande du gouvernement, du gouvernement comme ça, pourquoi c'est si reproché lui, pour nous tape. Pour le déconner nous tapons pour lui, nous tapons pour le pays d'Haïti. Mais il était qu'à faire pour le salaire faire pour peuple raboto. Bon, ou même ou victime, ou prend balle, ou couche à l'hôpital, il a cherché l'hôpital là pour tatouer ou. Jodian, qui sont à remè que le gouvernement fait dans la casa? Moi-même, tant de remè qui a couru dans la ria, dans le dit comme ça, tout le monde qui prend balle, yo, yo moui nous même c'est genou et nous même nous déak pran bal la pa moui c'est genou clac pour parler tout ça va passer comme ça me donner moi bon moi pour espèce si m'chita la pied am pa ka couper yo elle rete tout long là comme ça le carité m'pa ka couper yo dit c'est genou clac c'est nous même qui ka parler tout ça va passer notre jour me coucher moi yo vinn frapper porte moi bon moi côté m'chita la chaque jour me dormi non quand même pas dormi la caille moi chaque jour me dormi non en caille donc qui sont pas même fait. Moi, président compte tout bagay parce que son coco bémi. Bagay maman, papa mon quand son grand moun yel pa ka travay. Et ou mademoiselle, ou victime, ou prend balle dans pied, ou prend plusieurs balles, jodi an ou sou béki, ou toujours à vivre dans la boto, qui sont à remèk fèt pour situation. Moi, je ne sais pas, même parce que plein froid, plein chef. Chaque jour, nous, c'est nous-mêmes qui gagnons, donc ça, c'est nous-mêmes qui faisons révoquer. Moi, je vis en danger. Vous recevez des menaces de mes soldats? Vous recevez des menaces de mes soldats révoqués? Oui, mais chaque jour, c'est toujours. Plein donc puis qu'on a fait mon mal, toujours. Je suis fini, vis en danger, je suis fini. Mon coco, je ne vais pas courir, je ne vais pas dommager, je ne vais pas virer, je ne vais pas tourner, puis elle finit, je viens de là en bas, boucher, elle finit. Mon président Aristide, moi, je suis bébé en pile, Aristide, mes amis, oh, grand président. Moi, je ne sais pas, papa Aristide, moi, je ne sais pas, papa Aristide, mes amis, je ne vais pas parler encore. Aristide compte tout le bagage, chaque jour, c'est le bagage, chaque jour, c'est le bagage. Mais même si tu es là, moi, je dis, là, je vais faire une opération, chaque mal pour moi, c'est mon chef, chaque mal pour moi, c'est mon chef qui compte faire mon mal. Vous savez que tout monsieur qui était participé dans le massacre là, nous le Port-au-Prince ou quoi ça. Ça fait mal en pile parce que Aristide, même moi Aristide pas venir au pays, mon quoi Aristide passé dans tout pays Aristide passé. Grand pile pays Aristide a fini raboto Sibi. Raboto qui Sibi pour Aristide en pile. Mais moi même j'étais là yo bat pour première fois mais qu'on a tiré même pas 4 balles. Tout le monde dans bon balle, plein tout comme c'est tout balle. Ok, Radio Haïti, remercie nous un peu.